les yeux gonflés, tes têtes défoncées. Tu vends le grand disque, le dernier t'as acheté. Pour continuer, continuer à rêver. Non, c'est pour la vie qu'on est unis. C'est pour la vie qu'on est unis. Tu mets tes gocs et ton jean délavé, et tu descends le boulevard de ton quartier. T'es à la recherche de tous tes amis, avec qui tu pourras oublier tes ennuis. Non, c'est pour la vie qu'on est unis. C'est pour la vie qu'on est unis. Thank you.